Les belles rencontres. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec Jacques Boutin, peintre animalier et réalisateur de documentaires animaliers de Newport. Puis là, tu as commencé aussi à peindre des animaux. Mais comment c'est venu, ça? Parce que là, les bandes dessinées, toutes ces choses-là, c'est un petit peu avant, ouais. La peinture, réellement, ça a commencé en 93. OK, puis toi, les animaux, c'était juste par la peinture. Tu n'as pas fait en dessin? Oui, ben en dessin, oui, mais disons que c'était pas aussi... comme aujourd'hui. OK, c'était... J'en faisais, mais à l'occasion, c'était occasionnel. En aléatoire, comme ouais. Ça. Okay. J'avais fait des livres là, pour le zoo de Granby, là, j'avais fait ça avec des animaux. OK. On l'a fait aussi pour mon doute un petit peu, là. Québec aussi, mais là, fin du coup, ils ont fermé les portes. On a fait ça pour rien. On a fait bien des choses, là. Mm-hmm. Présenté bien des projets, mais ils n'ont pas été tout acceptés. Mais... j'en reviens à ta question. Oui, c'est ça. C'est parce que là, après, tu as commencé... Ben, parce que les animaux, c'est comme relié à la peinture à l'huile. Comment que c'est arrivé, ça? Moi, à ce moment-là, quand j'avais mon entreprise, je pensais pas réellement à faire de la peinture. Là. Ah non? Ah non, ça me n'a pas l'idée pas en tête. Tu étais comme... trop dans le moment présent de ce que tu devais faire. Moi, c'était du dessin, c'était du comique, c'est ça que je voulais, puis j'étais bien dans ça. Mm-hmm. Mais la peinture à l'huile, ça a commencé parce que j'avais écouté une émission, je pense au canal anglais, dans ce temps-là, je pense que c'était le canal de 50 qui disait, là. Mm-hmm. J'étais tout brouillé, mais c'était un peintre qui faisait une peinture une demi-heure. Oui. Il s'appelle Bob Ross. Là. Bob Ross. Ça a l'air simple, facile. Avec des pinceaux? Oui, ben, les gros pinceaux gros pouces, là. Puis, du coup, ben, j'ai dit, ah, bon, ça a l'air bien simple. Ma femme ben, dit, équipe-toi, puis commence là, essaye d'en faire. Ah, non, je vais attendre pour ma retraite, là, à 65 ans. Puis, elle dit, non, tu commences, elle dit, anyway, tu n'attends pas que c'est trop tard, tu sais. Puis, du coup, OK. Là, je m'étais acheté une coupe de tube, puis là, c'est pour ça. Là, j'avais commencé à se pâturer, je ne connaissais pas d'autre chose encore. Puis là, j'ai fait mes premières peintures. Les premières peintures, les deux premières que j'ai faites, il y avait quelqu'un qui voulait les acheter tout de suite. Ah oui? Puis qu'est-ce que tu avais fait dans ces deux premières? Non, c'était des paysages de mémoire. Des paysages, ok. Ah oui, de mémoire. De mémoire en plus. Ah oui. En tout cas, je t'ai pas dit, je peux penser à ça que je vois. Non, mais c'est ça. Mm-hmm. Et, moi, c'était juste pour avoir le plaisir. Puis le groupe d'amis, ben, ils disaient, oh, ça nous intéresse, on va te l'acheter. Ah oui, là, je savais pas le prix de vendre en plus. Quand j'avais vendu, je m'en souviens pas le plus. Je sais que c'était pas tellement cher quand même, là, mais. Mm-hmm. Fait que j'en ai refait un autre. C'est encourageant. Ben oui, ben là, ça m'avait donné un petit plus. Ben oui. Puis la deuxième, la même chose, c'est un autre groupe d'amis. Ils disent, ah, ça nous intéresse, on va l'acheter celle-là. Là, ça m'a comme motivé encore. Mais d'accord, là, je commençais pas mal plus intéressé. Je comprends. Puis là, je l'avais fait la troisième que je me souviens aussi parce que j'avais fait des roches. Puis il y a une personne qui était venue, ben, c'était monsieur, madame Leboeuf. Elle dit, on dirait des moufettes dans l'eau. Oh, elle m'avait insulté. Comme ça. Mais elle l'avait acheté. Elle l'avait acheté. Je dis, ouais, ben, c'était pas si pire que ça. Ben non, c'est tout que tu l'as acheté, c'est sûr. Ben, c'est vrai que je te montre les photos de ma mère. Je lisais les photos en plus. Puis ça a commencé là. Fin du compte, là, j'ai fait plusieurs paysages, peut-être. Après ça, tranquillement, il y a une personne qui m'a demandé si je voulais faire des chiens, un chien. OK, c'était par une demande. Là, ça a commencé tranquillement. Là, puis je dis, ouais, là, j'étais pas comme sûr. Là. Je n'avais jamais fait. Moi, j'étais habitué à faire des choses assez vite. Là, là j'en ai fait un, puis elle l'a aimé à trois heures. Celle-là, ça m'a. Mais comment t'as fait ton. Est-ce que t'as photographié un chien? Tu fais de mémoire? Oui, non, là, tu n'as pas de mémoire à ce moment-là. Non, là, les autres, la personne donnait une photo. Là, je partais avec la photo. Ils ont donné la photo de leur chien. Oui, parce que de mémoire. Là, mais je non, c'est pas tous les chiens. C'est surtout avec la précision que. Oui, mais à ce moment-là, c'était pas aussi précis non c'était plus. Pas aussi précis. Là. Non, c'était plus vite. Là, assez, Mm-hmm. Mais toi, tu avais quand même commencé au pinceau à ce moment-là? Oui, avec les chiens, là, j'ai commencé tranquillement à faire du pinceau. Là j'ai commencé vraiment plus. Après, ça s'est développé. J'ai continué encore à faire des paysages, mais là, j'ai commencé à prendre des pinceaux tranquillement. Des petits pinceaux? Est-ce que t'avais... Ouais. Ben, dans ce temps-là, j'avais toujours mon petit zéro, un petit pinceau fin. Là, ça, j'en ai toujours eu quand même. Mm-hmm. Ben, je pense que ça a commencé là, tranquillement, puis après ça, ben, je l'ai développé avec le temps. Puis, Puis là, ben, tu as développé ça, mais tu as développé ta technique, mais aussi tu as développé la passion pour peindre des animaux. Oui, mais ça encore là, ça, j'avais fait des chevaux. à Burchton. J'avais fait ça, c'est ma première toile avec des vrais animaux. Je veux dire dans le sens que deux animaux. Est-ce que tu les avais photographiés ou si tu les avais? Oui, j'ai pris plusieurs photos. À partir-là, j'ai fait un genre de montage, qu'on appelle ça de même. Oui. Puis là, ben là, j'avais présenté ça à une personne qui restait là, justement à Burchton. Mm-hmm. En tout cas, présente tout le monde, ben, t'as plus ou moins intéressé. Je vois, de toute façon, c'est pas grave, je l'ai fait pour moi. Là, je l'avais fait pour moi. Mm-hmm. Là, mon style commence à changer. Ah, je n'ai fait deux animaux. À un moment donné, il y a une exposition à Stingas, que là, il y avait un collectionneur que je ne savais pas. Mm-hmm. Puis là, ben, lui, il exposait en même temps que nous autres. Mm-hmm. Puis, là, il m'avait coaché toute la fin de semaine. Ben, moi, je ne savais pas, c'était un collectionneur. Il dit, l'année prochaine, il dit, en tout cas, il m'avait dit, fais-ci, fais ça, Kamishi, Kamisha, tu vas voir, ça va aider. Puis, en tout cas, il dit, l'année prochaine, tu te reviens, il dit, on va voir s'il y a une amélioration. Ah, là, c'est bon. Je m'étais dit à moi-même, ben, j'ai dit, tu vois, l'année prochaine, tu ne le reconnaîtras plus. T'sais. Comme l'année d'après, j'ai retourné, il était là, justement. Puis là, il dit, en tout cas, ben, ça n'avait pas été tellement bon dans la journée, dans la fin de semaine. T'sais, j'avais vendu un petit tableau, mais un petit. Mm-hmm. Je n'étais pas plus content que ça, parce que je me dis, ben, ça n'a pas été des bonnes ventes, tu sais. Mm-hmm. Puis le monsieur, ben, justement, c'était monsieur Lheureux, Jean-Claude Lheureux. Il t'a apporté de. Ben, il dit, en tout cas, il t'a vendu. J'ai dit, oh, ben, vendu juste un petit tableau. Il dit, ben non, tu en as vendu deux. Ben non, je n'ai vendu un quart. Ben, j'étais là, tu sais, ben, tout. Il dit, ben non, tu en as vendu deux. Non, je dis, non, il n'a pas vendu deux, là, je vous l'assassinais. Mm-hmm. Ben, il dit, je viens d'en vendre le deuxième. Là, il m'a acheté la peinture que j'avais faite pour ça. C'est ça, ouais. Ben là, c'était un plus gros temps. Ah oui, puis là, il avait payé un peu plus cher, là. Puis là, j'étais bien heureux. Puis ça a commencé là. Ouais. Mais c'est fun parce que c'était comme si tu étais placé au bon moment. Il y avait toujours du monde. Oui, oui. Ça, c'est vrai, c'est... ça aussi. Ouais. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, ben, je fais pour l'Association des gardes de chasse. Je fais pour la fonde. Puis... Tu fais des tableaux pour eux autres? Oui, ben, c'est plutôt des reproductions souvent, là, eux autres qui les cachettent, là. Il m'en ajoute quasiment une quarantaine par année. Ouais. Eh bien. Mais ça, c'était un addon, comme tu disais tout à l'heure. Là. Moi, j'ai exposé au nom de la chasse et pêche, à Sherbrooke. Oui. Puis à Trois-Rivières. Puis les mêmes personnes sont revenues deux fois, puis ils m'ont vu deux fois. Puis ils ont dit, ah, oh, c'est fun, si tu fais, on aime ça, ben. Puis l'année d'après, ben, pas dans l'année d'après, mais dans l'année, j'ai reçu un coup de téléphone, puis c'était eux autres. Là, ils voulaient avoir une toile, un tableau que j'avais fait. Puis là, ça commençait là, puis là. Aujourd'hui, ben, depuis ce temps-là, je fais au moins une quarantaine de tableaux avec les autres. Ah, mon Dieu! Ouais. C'est extraordinaire! Ah, oui. Une quarantaine de tableaux! Chouette qu'ils t'offrent longtemps! Ben, oui. Après ça, les associations de chasse et pêche aussi. Là. Mais oui, parce que tu es vraiment spécialisé dans... Oui, ben, c'est ça. ...comme peintre animalier. Ouais. Eh bien, c'est... Mais ça veut dire que tu peins presque tout le temps? Non. Ben, c'est plutôt des reproductions cachées. OK, c'est des reproductions, si veux-tu dire, c'est des giclées? Oui, giclées ou okay. Lithographies. OK, des lithographies c'est ça, aussi. Ouais. Okay. J'ai fait la toile, j'en ai vendu plusieurs, mais je veux dire, un coup que la toile est finie, ben moi, je fais des cartes. Oui. La partie oui. des cartes, ben moi, quand j'expose, ben, j'expose mes cartes, puis je fais des reproductions sur toile ou sur litho. Oui. Mm-hmm. Ben, les gens, ben, c'est ça qu'ils achètent en général. OK. C'est ça. Les autres, c'est ça qu'ils achètent, en tout cas. Mais c'est vraiment super. Mais là, toi, tu peins exclusivement à l'huile. Oui, à cette heure, oui. Parce que... J'ai essayé tous les autres médiums. Ah oui, tu les as essayés. Ah oui, j'ai essayé l'huile, l'aquarelle, l'acrylique. Fait que tu sais maintenant que c'est l'huile que tu préfères. Oui. L'huile, je pense que c'est pas mal. C'est le médium qui voit le mieux, là. Oui, parce que l'aquarelle, c'est sûr que à la finesse... T'as pas le droit à l'erreur, l'aquarelle. Oui. Si tu manques ton coup, ben, tu peux toujours corriger, mais généralement, c'est manqué. Mm-hmm. Mais à l'huile, si tu manques ton coup, tu peux revenir par-dessus, oui. Tu peux mélanger, tu peux tout faire, tu sais. C'est la différence. Oui, puis l'acrylique, pour toi, c'est trop, ça sèche trop vite. C'est ça, oui. Oui, parce que l'huile, c'est ça, hein, c'est pour toute la nuance des poils, dégradé, des plumes, ouais, le dégradé, les poils, tout. Mm-hmm. Tout, je pense que c'est le meilleur médium pour le travailler. Ben, l'acrylique aussi, pour les poils, l'acrylique, c'est super. Est-ce que tu mélanges les deux, des non, fois? Non, jamais, OK. Non. Je pourrais, mais je le fais pas, là. Okay. Moi, je me dis, ben, c'est l'huile, c'est seulement l'huile. C'est ça, puis ça sèche moins vite, fait que tu peux le retravailler. C'est comme ça, tu vois. Ouais. Est-ce que tu te promènes avec ta toile pour voir, bon, selon l'éclairage? Est-ce que je... Dans l'atelier? Ouais. Ah, oh, oui. Ben, je me suis fait une table avec des roulettes. OK. Je les retourne selon ce que j'ai besoin, là. Moi, j'ai tout ça, plein de petites techniques, de petits trucs. Ben, c'est ça. Selon l'éclairage, tu dis, on voit ce poil-là qu'on ne devrait pas voir, ou bien le contraire. Ouais, au début, on est moins minutieux. On pense du fait du mieux qu'on peut, c'est sûr, mais après ça, on a des juges, on avait nous autres aussi, comme mon épouse était juge. Ah oui, c'est une bonne critique. Pas mal trop, peut-être. C'est bon, ouais. Ouais, c'est jamais bon. On n'aime pas ça sur le coup, là, mais comme dans le cas de mon épouse, elle attendait toujours à la fin que j'aie fini. Ah, OK. Pour me dire, mais ça, j'aime pas ça. Ah, non, je l'ai pas dit avant. Mais ça, c'est la critique. Ça. Mais oui, ça fait partie de la game, comme on dit. Hein? Oui, c'est ça. Mais on est toujours content de se faire corriger. Oui, ça aide, ça nous aide aussi, hein, parce qu'on veut toujours s'améliorer et tout ça. C'est ça. Puis des fois, dans la tête d'une personne, c'est pas nécessairement ce qu'on voit nous autres. Hein? Non, c'est ça. Mais nous, quand tu fais un tableau, je pense que tu dois être pareil aussi. Tu sais, t'es dedans tout le temps, plein c'est temps. Ça, tu vois pas d'autre chose. À un moment donné, c'était comme parti. Mm-hmm. Là, eux autres, ils te ramènent à la bonne place. C'est ça, ils te réveillent, tu vois, OK, c'est vrai, t'as raison. Tu vas pas le dire, mais c'est vrai que t'as raison. Oui, c'est absolument. C'est du bien, là. C'est un plus tout le temps. Ah oh, oui. Puis pour tes pinceaux, là, je sais qu'ils sont super petits, mais c'est avec le temps que t'as utilisé cette technique-là de finesse, de... Oui. C'est sûr, parce que c'est pour la précision. Oui, la précision. Tu sais, des fois, tu travailles jamais, c'est parce que je sais qu'il y a des peintres qui vont travailler sur un tableau complet en même temps. Ah, OK. Tu sais, je veux dire, moi, je vais me concentrer juste une chose. OK. Tu sais, ça peut être un quart de pouce. Oui. Il y en a qui vont prendre un pied de suite. Moi, je vais prendre juste le quart, des fois moins que le quart. Mm-hmm. À ce moment-là, ça prend pas un gros pinceau. Non. Mais ça veut dire que tu fais un fond quand même avant? Non, non, moi, je vais te dire que je fais pas de fond. OK, tu fais pas de fond, non. Tu vas direct sur la toile. Oui. OK, fait que tu fais ton pinceau. Moi, je fais mon croquis. Ton croquis de... Moi, je fais toujours mon croquis sur une feuille. Sur un papier, oui. Non, si j'aime mon croquis, je le transfère sur la toile. OK. À partir de là, je mets un produit là, pour figer. Oui. Là, après ça, je commence à peinturer. Mais okay. Je travaille... Ça dépend toujours des sujets. Là. C'est dur demain, mais tout dépendant des sujets. Là. Comme un gaucher va travailler à... Un doigtier va travailler à gauche demain. C'est mm-hmm. dans ce sens-là. Un gaucher va s'en aller vers le... Mm-hmm. Puis toi, t'es gauche, t'es droitier. OK. Puis je vais commencer à gauche. OK. De tout dépendant des sujets. Ça dépend toujours des sujets. C'est aussi. Vrai qu'un droitier, c'est vrai qu'on commence à gauche. Ouais. Ben, il y en a d'autres qui ne voient pas la différence, mais c'est parce qu'il faut trouver tu sais à côté. C'est vrai, oui. Puis si tu travailles partout, mais là, tu vas te beurrer, mm-hmm. ou là, tu travailles sur le bord du pouce, ou même du doigt, ou avec une baguette, mais mm-hmm. ça va mal. Mm-hmm. Parce que si tu chais moindrement, ça fait des lignes aussi. Oui, oui, oui. C'est ça, il faut s'accoter, puis il faut faire la précision extrême. C'est ça, c'est plus de précision. Oui. À suivre.